Madame Roberts par Lucien Méronin. Je m'appelle Bruno Campagne depuis longtemps. Une nuit, j'ai été réveillé au beau milieu d'un rêve par un petit bruit sec, comme un coup de bec d'oiseau. Et aussitôt, j'ai eu cette idée bizarre d'écrire une œuvre, absolument. Une grande et belle œuvre avant de tourner le coin, les pieds devant. Et ce n'était pas une histoire de fric, non. Pour ça, il était trop tard. Je veux dire que ça n'avait plus la même urgence qu'autrefois, quand je salivais devant la charcuterie Ferrand, claquais des mandibules, toujours à essayer de fléchir le passant, toujours à gratter le bitume, à marauder la mitraille. Et après, j'allais m'en jeter un derrière la cravate, un bien costaud, qui te redonne du courage. Parce que faut pas croire, la manche, ça demande tellement de courage qu'au final, on en ressort tout rabougri de l'intérieur, plié comme un centenaire. Pas de médaille du mérite, que dalle. Au bout de la route, tu es tout seul, sans un. Et après, il faut remettre ça, furieusement, à cause de l'estomac qui réclame. Et quand arrive Noël, que le frigo s'installe dans les doigts de pied, t'as vite fait de te retrouver à la ramasse, tout d'un bloc, en route pour Nanterre, dans le fourgon des Bleus. Avec le temps, et à force de l'espérer, il avait fini par venir tout seul, le pognon. Salut mon pote, c'est moi Rémi. Comme ça que nous l'appelions. C'était plus joli que Rémi. Plus bonhomme. On a fait un bout de chemin ensemble, toujours le même. Du génie de la Bastille à la péniche d'Austerlitz. Avec un palier de décompression chez Nordine, le bistrot de la rue Cadet, qui nous servait du vin étoilé dans des verres à moutarde. Il arrivait le 5, Rémi. Repartait le 10. Après, c'est l'ardoise qui prenait la relève, avec les restos du cœur, les fruits pourris qui te flanquent la chiasse à Montparnasse en fin de marché. C'est une allitération, que je me disais, parce qu'à l'époque déjà, l'envie d'écrire me titillait le bulbe. Une toute petite envie, mal ancrée, toujours prête à se noyer dans un verre à moutarde. Ce n'était pas une envie soudaine de gloriole non plus. La notoriété à mon âge, elle vous a un arrière-goût d'épinards en boîte, un truc à gerber. À plus dormir la nuit. Je laisse ça aux autres. Les ambitieux ne manquent pas, qui veulent la cantine chez Drouan et les lauriers dans la sauce. Cette idée farfelue d'écrire une belle œuvre, j'ai honte à l'avouer aujourd'hui, elle n'avait pas d'autre mobile que celui de laisser derrière moi une trace de mon passage dans cette chaîne de vie. Quelque chose de moyen, ni grandiose ni modeste, entre la pyramide de Khéops et la bave d'escargot, quelque chose dont mes gosses diraient plus tard, plein de fierté dans les yeux. Il n'était pas trop con, le daron. Quelque chose que tu pourrais trouver dans un rayon de la bibliothèque municipale, à la lettre C, entre Boudard et Casanova. Bon, j'avais oublié de faire des gosses, mais la bibliothèque municipale ouvrait ses portes du mardi au samedi, toute la journée. J'ai commencé par là. Enfin, pas tout de suite. D'abord, j'ai pris quelques notes, à la verticale, sur un carnet que m'avait offert Nordine. Il offre un carnet à tous ses mauvais clients, Nordine, une fois l'an, afin que ces derniers puissent y inscrire les notes en souffrance de paiement et les comparer à l'ardoise. Je n'ai jamais su si la méthode était efficace. De mémoire, il y avait à peu près ceci sur le carnet. Écrire une dizaine de romans. Écrire au moins deux romans. Trouver un style flamboyant. Trouver un style. Ce n'est pas grand-chose, mais cela démontre à quel point j'étais conscient des difficultés de l'entreprise et aussi capable de revoir à la baisse des ambitions trop élevées. Ensuite, je dois dire qu'entre l'épisode du carnet et mon intrusion dans la bibliothèque municipale, il s'est écoulé environ 2 années terribles dont je garde un souvenir encore douloureux. Le mal est arrivé chez nous sur notre territoire de manière rapide et brutale, sans hypocrisie. On aurait dit une réplique des invasions barbares après la chute de l'Empire romain. Des gars et des filles, beaucoup plus jeunes que nous, en couple ou en harem, accompagnés de chiens, envahirent tout, saccagèrent tout et installèrent la peur. Ils buvaient sec et au goulot de la vodka mélangée à de la Red Bull, fumaient des cônes explosifs et se déplaçaient jour et nuit dans un périmètre aux frontières mouvantes, sans apparence de stratégie commerciale. Affalés sur un banc au trottoir, ils pratiquaient une manche agressive qui ressemblait plus à du racket qu'à une sollicitation courtoise. Ils obtenaient par la menace beaucoup plus que nous n'obtenions nous, par la politesse et la soumission, les yeux baissés, misant sur la fibre compassionnelle, moins généreuse que celle de la terreur. Mais aussi, n'oublions pas que la vodka, à l'achat, dépasse de loin le pinard étoilé. Il y eut des viols, des tabassages en règle, et quelques morts dont personne ne se souvient, paraît-il. Mais moi, je pleure encore mon pote Zizou, un petit gars naïf et gentil comme un nourrisson, à la voix douce, presque un murmure, un petit gars avec lequel j'avais traversé les années de misère, partagé le pain, le fromage et le guil de rouge, sans comptabilité, à la louche, comme il disait, veillant l'un sur l'autre, à tour de rôle. Dans la police, nous aurions été des équipiers, en truanderie des complices. Mais là, dans cette forêt de béton grouillante de monde, non pas au centre mais sur les pourtours, nous étions simplement des frangins siamois que seul un couteau aurait pu séparer. C'est ce qui arriva. Un couteau méchant, le même couteau qui servait à couper du shit, du sauciflard et les ongles des pieds, un couteau malpropre, me priva de Zizou par le sang jailli d'une jugulaire. Il aurait suffi d'un point de compression, m'a-t-on dit, pour lui sauver la mise. Je jurerais que ses appels au secours l'ont été d'une voix douce, presque un murmure. Je n'ai pas quitté Paris à la suite de ce drame. T'aurais pensé à une fuite. Mais petit à petit, plus par fatigue et par trouille que par conviction, j'ai réintégré une vie normale, celle que la société attend de ses enfants, surtout en période d'élection. Et j'ai quitté le costume de Rémi, endossé celui du minimum vieillesse. Puis, sur les conseils de ma sœur Colette, et avec son aide, je suis venu m'installer ici, dans cette petite ville de province, loin du bruit et de la fureur de Pontruche, la ruche bien nommée, pleine d'abeilles qui tantôt vous piquent, tantôt vous offrent du miel. Colette, j'en parlerai peut-être un jour, parce que c'est du copieux, elle aussi. Pour autant, je ne voulais pas oublier les gosses, juste les poser dans un coin. En attendant, ils pouvaient bien grandir sans moi, surtout au début, quand leur principale occupation est de se soulager dans une couche culotte. Je suis pressé de quitter la rue, ça se remarque. Alors me voici, tout raide devant la bibliothèque municipale, pas intimidé pour de rond, au contraire, de l'arrogance plein les yeux, une immense envie de pénétrer la vieille dame, de la faire reluire, qu'elle grimpe au lustre, la bioque. J'entre d'un pas décidé. Il fait bon là-dedans. Je sens tout de suite que les problèmes de chaudière ne sont pas pour elle, bigre. Je me verrai bien en résidence à perpète sur 12 volumes de la NRF, tous alignés dans l'ordre, même format, même couleur, encadrés par de la 10-18 et de l'Infolio, avec à ma gauche l'intégrale de Boudard. Il allait être mon meilleur pote, Alphonse, c'était couru d'avance. Le premier jour, ça ne compte pas vraiment. Tu viens prendre la température, et tu constates que la chaudière ronronne sans faiblesse. Les gens se promènent en silence dans les allées bordées d'arbres, que tu penses, cause qu'il en faut beaucoup, pour fabriquer tout ce papier relié qui s'empile du sol au plafond à donner le vertige. Et tu penses aussi que sur un plan stylistique, si ta réflexion ne vaut pas tripette, c'est normal. C'est parce que tu débutes. Mais bientôt, tu écriras là-dessus de belles pages pleines de poésie brute, où il sera question d'un balayeur des rues qui échange son travail contre la beauté de sa ville, d'un bûcheron bourru qui troque ses coups de hache contre un roman de Balzac. Dans les mois qui ont suivi, j'ai bouffé du livre comme jamais, un roman par jour, pas moins. Je piochais au hasard, sans a priori car je connaissais peu d'auteurs et souvent, la quatrième de couverture influençait mon choix aussi bien qu'une publicité sur les fromages de chèvre. J'avalais entre 250 et 300 pages quotidiennement, du mardi au vendredi, moins de 200 le samedi parce que le samedi c'est la cohue. Tu peux pas bouquiner peinard. J'avais une préférence pour les romans d'aventure, ceux qui te font voyager loin, sur des pirogues pourries. Et si tu laisses traîner une paluche dans l'eau, t'as 10 000 piranhas qui viennent la becter jusqu'au coude. Merde, ça fout la trouille, un futur écrivain de la main droite. Mais je ne voulais pas faire de jaloux non plus, alors je passais du roman à l'essai philosophique, du banquet de Platon indigeste à Zarathoustra le papy cynique. Et pour revenir au samedi, que pas un jour où tu peux te concentrer sur Aristophane, le samedi, je tapais dans les bouquins de cul avec des images, l'anatomie du corps humain en 6 volumes et planches couleurs. C'était plutôt con de ramper sur les genoux dans une trompe de Fallope, d'escalader le col de l'utérus à main nue, de barboter dans les œstrogènes. Et forcément, cette lecture m'aidait à ne pas oublier les gosses que j'avais laissés dans un coin à écouter pousser leurs quenottes. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Madame Roberts.